pas, c'est triste, le monde va mal. Le temps s'écoule, y'a aucun moyen qu'on le rattrape. J'ai la boule au ventre, pétrifié face aux vies. On parle de la nôtre, on connaît pas vos vies. Je regarde autour de moi, c'est triste, le monde va mal. Le temps s'écoule, y'a aucun moyen qu'on le rattrape. J'ai la boule au ventre, pétrifié face au vide. On parle de la nôtre, on connaît pas vos vides. Le monde va mal, j'ai le vertige face au gouffre rempli de problèmes. C'est dans le vice que je pétonne, t'as senti le pollen. Au bord d'un lac, je jette des pierres dans l'eau. Sur le bord d'un parc, je mettais les tailles en trop. Envie de tout baiser, mais on me dira ton flow. On remonte pas le moral avec une tarte dans le dos. J'ai la haine, j'ai des envies de massage. Je viens de me péter la tête, me demande pas si ça va. Ta meuf dégueu me prend le fort. Je découvre le jeu à prendre fort. Dès que ça explose, ça s'endort. Voilà pourquoi tu te sens fort. Dès le départ, les gars, je savais ce qu'il fallait. J'ai vu le futur, c'est mort pour toi, je reviens d'il voir les 1. Je vois que pour la thune, vous êtes trop confiants. Nous on est dans cette pute depuis trop longtemps. 2018 c'est là que tout commence. J'ai un bras au cœur et lâcher la boule au vent et des pointes au cœur. J'ai passé ma soirée à jouer sur un canapé. J'ai vite compris que changer le monde ça en vaut pas la peine. Blasé naissant, j'ai gâché mon adolescence. J'ai ma smala, ça me suffit, j'aime pas trop les gens. Se faire remarquer, être connu, c'est ça leur vrai plaisir. T'as à peine rappé dans ta chambre que tu veux faire des clips. Vos statuts Facebook, rien à foutre, plus personne les calcule. Ils partent avec un escabeau pour décrocher la lune. Ils sont tous à la masse, rêve de Punta Cana. Suffit d'un coup pour que tout pète, c'est comme pour Saitama. Je crache la fumée, j'ai l'impression d'être une locomotive. J'ouvre la dernière porte avec le premier saut maudit. Je regarde autour de moi, c'est triste, le monde va mal. Le temps s'écoule, y'a aucun moyen qu'on le rattrape. J'ai la boule au ventre, pétrifié face aux vies. On parle de la nôtre, on connaît pas vos vies. Je regarde autour de moi, c'est triste, le monde va mal. Le temps s'écoule, y'a aucun moyen qu'on le rattrape. J'ai la boule au ventre, pétrifié face au vide. On parle de la nôtre, on connaît pas vos vies. J'ai lâché des rimes en pagaille, j'ai pris ma feuille pour y jeter des mots. J'ai attendu que la lune soit pleine pour rouler mon dernier bédo. C'est dur maman, j'ai mal au cœur. On est tous condamnables et tant que le monde va mal, je te jure, on fermera pas nos gueules. Ici bas tout se perd, j'en ferai pas tout un plat. Viens, on disait qu'on était tous frères, ne fût-ce que pour un soir. Éveille mes sentiments, je partirai tranquillement. J'irai mourir au beau milieu de la nuit comme un cri dans le silence. Puis il fait gris, j'ai comme des envies de Cuba. Pas prêt de mettre mon dernier billet dans une puta. Besoin de rien, toute la semaine j'ai fait pousser des phases, je reviens de loin. Sous la semelle j'ai de la poussière d'étoiles. J'ai ta porte mon art, prends-le comme tu veux. Mais ne m'en veux pas, je ne suis que le porte-parole de mon âme. Coffret loyal, whisky coca, c'est un sacré mélange. Avec le royal, je m'envole au large dans un dernier élan. Écoute, c'est simple, on va le faire comme je l'avais prévu. Quitte à défoncer les portes ou passer par un trou de serrure. Rappeur c'est mon métier, chômeur aux yeux des autres. Si seulement vous y étiez, si vous connaissiez les nôtres. C'est vrai, le monde est flingué pour qu'on puisse le décrire. J'écris, j'aime le défi, c'est là que je puisse le désir. Rapper comme un OG, ça ne serait pas crédible. Et je commence à trouver tout ça pénible. Ça pense aux hommes qui nous sont passés sous le nez. Ça fume, ça consomme pour les plus belles paires de souliers. Dire qu'un pour cent des hommes ont le monopole. Forcément ça fait des ordres dans nos vies monotones. Fais ce que tu penses, t'auras ce que tu mérites. Je regarde les nuages, me vois autre part. On devient soi-même quand on décide. On n'emporte rien dans l'au-delà. Ça va être simple, petit ego trip. La méchanceté gratuite, les putes, les pédophiles, les projets nazis. L'humain est mauvais, c'est pas nouveau. Prêt à faire le sale boulot comme Gattuso, hein. C'est l'argent qui nous guide, qui règne en maître. On veut plus savoir si tu kicks, mais si tu pèses en scred. Je préfère me mettre à part, gros je suis différent. Je supporte plus la malice, c'est le fils des gens. Je regarde autour de moi, c'est triste, le monde va mal. Le temps s'écoule, y'a aucun moyen qu'on le rattrape. J'ai la boule au ventre, pétrifié face au vide. On parle de la nôtre, on connaît pas vos vies. Je regarde autour de moi, c'est triste, le monde va mal. Le temps s'écoule, y'a aucun moyen qu'on le rattrape. J'ai la boule au ventre, pétrifié face au vide. On parle de la nôtre, on connaît pas vos vies.